retour. Si je pars, c'est pour toujours. Si je pars, si j'y arrive, pas de retour, pas de retour. J'arriverai dans les rues, dans les bois. Je marcherai sur les sommets sans m'arrêter. Je marcherai sur le rouge à ton oeil. Un noyer, insoumis, dictature. Insoumis au maître et leurs blessures. Fini les chaînes, les barrières, les murs, les clôtures. Fini le bien ici, reste là. Assis-toi, ne bouge pas, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Ne fais pas ça, reste là. Et à mourir à leurs pieds, non, à mourir à leurs pieds. Sans jamais broncher, ne plus manger les restes, et se moquer de moi, non, on n'aide jamais assez bien pour ces gens. On fait tout ce qu'on peut pour aucun remerciement. Laisse faire traiter comme un chien, comme un mannequin, comme le dernier des êtres, comme un chien, et mourir à leurs pieds, non, comme un chien.